Mon blunt bien roulé me fait planer. Ramène quelques fils, toi de sur sentir cool. L'alcool coule à flot, je lâche mon flow. Ta vie sur ce brouille et tu vois flou. Je suis l'enculé le plus fou. Emballe les paroles, je suis au-dessus de vous tous. Du champagne dans les verres et de la fumée d'herbe dans les airs. Tu croyais quoi, devine toi, je gère mes affaires. Des rêves d'être à Vegas, flirte avec mon esprit. Mes journées me rendent tellement fou que je fume chaque soir. La soirée nous appartient, mais alors faisons les choses bien. Sois bonne et tais-toi, voilà ce que je veux de toi. Allez, embarque avec moi. Embarque avec moi. Encore une autre soirée où tous les mecs sont en train de triper. Je sais que tu connais, y'a chaque soir c'est la même. Où toutes les meufs sont en train de danser. Où tous les mecs sont en train de planer. Hey hey. C'est encore une autre soirée où tous les mecs sont en train de triper. Je sais que tu connais, y'a chaque soir c'est la même. Où toutes les meufs sont en train de danser. Où tous les mecs sont en train de planer. Hey hey. Appelle-moi Ken, car t'es ma Barbie. J'ai vu ma vie à une vitesse rapide. J'ai décidé de faire changer les choses. Plus on a plus des ennuis. Je vis l'enfer la nuit. J'ai de la skin pour tous mes cums, tous mes gars qui vivent une vie remplie de drames. Paix aux âmes de tous mes fils de pute, de faux amis. J'allume un plein pour vous, j'ai les lyrics sur vous. Verse du cognac, laisse-moi que j'explose la barre. Mon part du mic est dédicace pour tous mes gars. Les bouteilles se vident et les esprits se remplissent. Plein de conneries, une meuf perchée sur mon lit. Je lui dis de partir, elle m'ouvre ses cuisses. Voilà le genre de bonne soirée, embarque avec moi. Encore une autre soirée où tous les mecs sont en train de triper. Je sais que tu connais, car chaque soir c'est la même. Où toutes les meufs sont en train de danser. Où tous les mecs sont en train de planer. Hey hey. C'est encore une autre soirée où tous les mecs sont en train de triper. Je sais que tu connais, car chaque soir c'est la même. Où toutes les meufs sont en train de danser. Où tous les mecs sont en train de planer. Hey hey. C'est encore une autre soirée où tous les mecs sont en train de triper. Je sais que tu connais, car chaque soir c'est la même. Où toutes les meufs sont en train de danser. Où tous les mecs sont en train de planer. Hey hey. C'est encore une autre soirée où tous les mecs sont en train de triper. Je sais que tu connais, car chaque soir c'est la même. Où toutes les meufs sont en train de danser. Où tous les mecs sont en train de planer. Hey hey.